1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de rock progressif et on commence avec une formation norvégienne, Soup, de leur cinquième album studio Vision qui vient tout juste de paraître. On aura aussi Prism, ça nous vient de France, un premier album, et d'Italie, Abelard 2. C'est le projet du claviériste Sergio Calleca, un ancien membre de la formation italienne Ad Maiora. C'est son neuvième album et on remarque la présence à la guitare de Ettore Salati qui a joué avec The Watch, Alex Carpani, Aldo Tacchia Pietra. Et puis Marc, qu'est-ce qu'on aurait d'autre au menu de cette première demi-heure? On a la formation espagnole Quercunian Camerata. Et un extrait de leur premier album paru en 2015, un album qui s'intitule Prometeia. On aura la pièce Matribus et on aura également du Japon, la formation Saint Clair. On a déjà présenté un extrait de leur album Claire's Fantasy qui est paru cette année. Alors on aura ici une seconde pièce intitulée The Place. Donc c'est une formation qui a été fondée en 2020 au Japon autour de la claviériste Yuko Ankai. On a aussi à partir de 22h30 un spécial d'une heure avec le musicien suédois Asse Froberg, puisque Asse Froberg and Musical Companion présente leur nouvel album We Are The Truth vendredi prochain, donc le 26 novembre. Alors à ne pas manquer entre 22h30 et 23h30. Et on y va tout de suite en musique avec la nouveauté de la formation norvégienne Soup. It's a free fall, it's a restless dream. It's a thief who claims you for himself. And the questioners in the neutral chairs, an escaping, am I really here? There are some of us who'll understand about the wasteland we can enter if we dare. The remedy was within your reach. The grass compelled, the devil speaks of a special life with a model wife. What a story. It's a fallen man with a hopeless plan. It's a parody. There's no sympathy. And betraying you was the worst thing I could. Nighttime is no friend of mine, as the thoughts and fears go hand in hand, and the less you look, the more you see how this perfect chord is what I recall tonight, and it's all. We'll be right back. Runs the rabbit through the grass. Sniffing around, waiting for the bird of time. I see him. Here he comes again. Thank you.

On se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important. Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons-vaccins. Un message du gouvernement du Québec. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix réguliers en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Pour suivre presque tout ce qui se passe dans l'actualité geek, que ce soit l'Internet, la techno, l'astronomie, les jeux vidéo, le cinéma ou tout autre hobby qui vous passionne, suivez les Geeks Contre-Attaque tous les samedis de 13h à 15h sur les ondes de CKRL 89,1. Puis sinon, c'est pas grave, tu sais, je suis pas votre mère. Vous ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, vous manquez de quoi, à mon avis. Pas que j'ai un parti pris parce que j'anime le show, là, mais en tout cas, moi, je le ferai. Merci d'avoir répondu à l'appel. Allô, allô, c'est Georgette. Vous écoutez Ma Chanson en diffusion sur CKRL. Mais donnez-moi de l'espoir, dis-moi qu'un jour je vais revivre un pareil amour. Amour, amour, amour, amour. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Tel que Marc l'a annoncé en début d'émission, ce soir on a un spécial une heure avec Asif Roberg and Musical Companion. Bon, je pense que à peu près tout le monde connaît Asif pour son rôle au sein de la formation suédoise de Flower Kings. Une association qui remonte même à l'époque où Reinstolt présentait son album The Flower King en 1994, a formé son propre groupe, le Musical Companion, en 2008, alors que The Flower King était un peu comme en pause. Et Asif Roberg en a profité pour ramasser toutes les pièces qu'il avait composées qui ne correspondaient pas tout à fait avec le son de Flower King pour un premier album Future Past paru en 2010. Par la suite, il y a eu Power Play en 2012, HFMC en 2015, Parallel Life en 2019 et cette année en 2021. Et c'est d'ailleurs un peu l'excuse pour ce spécial, un tout nouvel album, We Are The Truth, qui sera lancé la semaine prochaine, le 26 pour être plus précis. Et puis, il y a aussi en 2017, il y avait le CD-DVD No Place Like Home. Donc, on commence cette première partie du spécial Asif Roberg avec Asif lui-même qui va nous présenter les pièces. Je lui cède donc la parole. Hi Michel, and thank you so very much for having me. And on top of that, dedicating 1 hour of music to Asif Fröberg and Musical Companion. That's truly great, so once again, thank you very much. Well, I'm a good boy, so we're playing the songs you've chosen. And first up is Above from my debut album Future Past that was released back in 2010. This was actually one of the three songs we played the very first time we met as a band, and I have only great memories of that occasion. And that goes for the very first year that led up to the recording that gave us a good and promising start for the band. And as a matter of fact, this very song also ended up on the compilation album Strength, which was an album made to help out after the tsunami in Japan some 10 years ago. Ladies and gentlemen, this is Hasse Fröberg Musical Companion and the song Above. I'm

The song My River to Cross is from our second album Power Play that was released 2012. It's a rocker, at least the main part of the song. I remember we were under a very tight schedule when we recorded the album, but we made it happen somehow, and we had the album in our hands when the tour started. So yes, it was a happy ending after all. Genius is taken from our third album that was released in 2015, simply titled HFMC. The song is a tribute to Freddie Mercury and starts kind of slow, but the intensity increases the longer into the song you get, with a kind of soulful crescendo at the end. We played a lot on this album, including a double bill tour with American band Enchant. Well, ladies and gentlemen, here's My River to Cross and Genius. Stand still, so easy not to say your word. Hide behind the curtain, afraid to be seen. Some stay at home, while some they rule the streets. Everyone so insecure and with no self-esteem. No matter what they say.

Hello, this is Hasse Fröberg, and you're listening to Terra Incognita directly from Quebec City. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Puisque ça fait plus d'un an qu'on le mentionne, et que de toute façon, vous le savez probablement déjà, on a décidé de ne pas vous le dire. Donc, on ne vous redira pas que pour se protéger de la COVID-19, il faut se laver les... On ne répétera pas encore une fois qu'il faut porter un... Et surtout, qu'il faut garder nos... avec les autres. Vous le savez, c'est la meilleure façon de combattre le virus, même lorsqu'on est vacciné. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Hein? Mais ça fait des années que je travaille. J'ai le droit au chômage. Désolé, vous faites partie des 60% qui sont exclus. Le chômage ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Réformons l'assurance-emploi. C'est le temps. Nous sommes le Conseil national des chômeurs et chômeuses. Joins-toi à la lutte. Le CNC.com. Manger, ça fait du bien. On avait presque 30 ans. On a décidé d'élire domicile sur Saint-Vallier-Ouest. Petit comptoir de charcuterie. On a ouvert un bouchon d'inspiration lyonnaise de pied bleu. Par la suite, le renard et la chouette. Une buvette de quartier. Puis maintenant, dans les meilleurs marchés de la ville de Québec, au nom du roi du boudin. Aujourd'hui, nous tenons à remercier anciens et présents employés. Nous levons notre boudin à vous, chers clients. Merci beaucoup. Hé, hey Marine, le pied bleu, il a quel âge? Ben, c'est facile. Il a mon âge. Il a 10 ans. CKRL 89.1. Communication, culture, CKRL 89.1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on poursuit notre spécial sur le groupe Asif Froberg and Musical Companion. Le groupe va présenter le 26 novembre, donc cette semaine, ou la semaine prochaine, si vous voulez, un tout nouvel album qui a pour titre We Are the Truth. Et c'est l'occasion rêvée pour faire un survol de la discographie de cette formation suédoise menée par le chanteur Asif Froberg. Et je vous laisse d'ailleurs avec lui pour poursuivre ce spécial. In 2017, we released a live DVD and double album No Place Like Home, which was recorded in our hometown Uppsala by the end of the tour we did on HFMC. This was followed up by the ambitious album Parallel Life from 2019, a record that was centered around the 22-minute title track Parallel Life. However, now we're going to listen to a more easy-listening rock or prog rock song called Sleeping with a Ghost. Enjoy! Getting back in the sway. Got it. my DNA. Let me stay for just a This brings us up to date and the new album We Are The Truth that we're just about to release. To me, this new album is a bit more groovy, dirty, proggy and humoristic than our previous ones. Yet all the songs are built around strong melodies more than riffs or advanced playing and instrumentation. The first one we're going to listen to is Other Eyes, which is a 12-minute epic written by Edge FMC drummer Ola Strandberg and me. The second taste of We Are The Truth will be yet another prog song with many different parts. The song is called The Constant Search For Bravery. front of me. Open eyes, take it in. Learn to embrace the love, appreciate the light. There's a sky above, stars are shining bright. Lead the way, take me home. Your sunlight around me, a mirror deep in your eyes, like starlight, love superior. Your love is light in the sky. It is not always easy. Clouds are in the way. Ray of light to ease me, to brighten up my day. You make it. Nothing's ever certain or for sure what life will be. If you hang on to your dream, believe that you can ride it. Take every chance you can, and the truth will be Hello, this is Hasse Fröberg, and you're listening to Terra Incognita directly from Quebec City. front of your eyes, just too much. When you feel there's no place where you belong, like a long-time traveler searching for the place. So that's it then. Hope you guys enjoyed this as much as I did. It's a great honor to be able to spread our music in Canada, and of course a part of Canada that I visited many times with the Flower Kings. That feels really, really good. If you like what you've heard or bits and pieces of it, you can always order our new album We Are The Truth on the HFMC We Are The Truth Bandcamp site or our official website hfmcband.com. Once again, thank you, Michelle and Terra Incognita. I wish all you guys all the best. Elisabeth, arrête. Le monde se fout de toi, ni plus, ni moins. Ton univers ne changera pas. Salut, ici Jason Bajada. Écoutez ma chanson Elisabeth en diffusion à CKRL 89.1. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elle pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que 25$ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Je pense souvent que la poésie est quelque chose de très, très, très cérébral, de très intellectuel. Moi, au contraire, je travaille pour que ce soit quelque chose de très viscéral, tu sais, qui vienne tout de suite faire appel beaucoup plus au cœur qu'à la tête, là, tu sais. À découvrir sur la fabrique culturelle. Je suis comme ça, je touche. Je touche tout le temps tout, je touche tout le monde. Non, je suis comme ça. J'ai besoin de toujours tout toucher. J'ai besoin de toucher aux choses. J'ai besoin de toucher aux gens. J'y crois pas, sinon, hein? Si je touche pas, j'y crois pas. L'auteur et acteur Steve Gagnon revendique le droit d'être complètement névrosé. On pourrait tous être plus libres. Je dis on pourrait parce que les cadres, les moules, les stéréotypes, tout ce qu'on se construit socialement, c'est ça qui nous empêche d'être complètement libres. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Fils, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Les étés souterrains. Je t'envoie 200 lions à la tête pour l'insoumission, 200 lions au cœur pour la fierté, 200 lions au ventre pour l'ardeur. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Alors, on remercie Assé Froberg pour sa participation à ce spécial. Alors, dans notre dernier bloc musical, on aura la formation de Québec Sense. Une formation qui a débuté dans le début des années 2000. Ils ont 4 albums à leur actif. On aura un extrait de leur plus récent album, Going Home, paru en 2007. Une formation qui a été fondée autour de François Bérubé au chant et Stéphane Desbiens, qui a poursuivi par après avec The Deep Project. Donc, on aura la pièce de Sweater. Mais pour débuter, on aura une formation de la Norvège, la formation formation Ring Van Mobius, tirée de leur plus récent album, c'est leur second, The Third Majesty, paru en 2020. On aura la pièce Distant Sphere. Là, on se retrouve dans une ambiance tout à fait années 70, Michel. Oui, d'ailleurs, les musiciens de cette formation norvégienne ne s'en cachent pas. C'est leur but, faire du rock progressif comme au début des années 70. Leur premier album était un peu comme un kaléidoscope là, de... Il y avait, chaque pièce avait un peu ses influences. Et le disque, c'était Past the Evening Sun. Mais je trouve que le second, celui dont on va écouter un extrait là, dans quelques instants, The Third Majesty, le disque est plus homogène. Et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir pour le troisième. C'est, on y va donc avec Ring Van Mobius. Thank you. Choisi de vous laisser avec une formation islandaise qui a pour nom Lucy in Blue. Ça va être un extrait de leur deuxième album In Flight, paru en 2019. Le groupe a lancé un premier album en 2016, un disque éponyme, donc Lucy in Blue. Un groupe qui puise un peu dans le psychédélisme et le progressif. On pense notamment à Pink Floyd à bien des moments. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Salut tout le monde, ici Pierre-Hervé Goulet. Vous écoutez ma nouvelle chanson « Les oiseaux du matin » sur CKRL. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Hein? Mais ça fait des années que je travaille. J'ai le droit au chômage. Désolé, vous faites partie des 60% qui sont exclus. Le chômage ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Réformons l'assurance-emploi. C'est le temps. Nous sommes le Conseil national des chômeurs et chômeuses. Joins-toi à la lutte. Le CNC.com. Audiolight. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolight.qc.ca. Une nouvelle scène pour les artistes émergents ouvre ses portes à Québec. Le Palais Montcalm vous invite chez Madame Bélé. Une salle feutrée, un lieu chaleureux, une ambiance originale, un espace lounge au cœur de la place Diouville. Pour célébrer l'ouverture, 6 spectacles gratuits mettant en vedette des artistes de Québec. Réservez vite vos billets gratuits au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm vous souhaite la bienvenue chez Madame Bélé. Je me suis rendu compte que ce qui intéresse cette société, c'est qu'on lui fout des pilules. Vous êtes ici avec Henri Laborie. Sur l'antenne de CKRL, MF 89.1 à Québec. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Elle est antipsychotique, elle est antinévrotique, elle est antiépileptique, elle est anti-inflammatoire, elle est analgésique. Je vois le nombre de trucs qu'elle fait. Parce qu'on tape à un endroit de la membrane cellulaire qui est précis et qui fait qu'elle elle agit sur des quantités de syndromes. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pouttant d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas?